Chapitre 7e, partie gagnée. 10 jours plus tard, Von Priust et Elsa débarquaient au Havre sans la moindre difficulté. Ils venaient d'Amsterdam à bord d'un bateau hollandais. Un domestique et une femme de chambre, Von Kovler et Gertrude Brenner, l'une des plus dangereuses espionnes prussiennes, qui se faisait passer pour flamande, les accompagnaient. Elsa, avec un sang-froid merveilleux, commença de jouer son double jeu. Sa beauté, sa grâce, son talent de musicienne, et il faut bien le dire aussi, la secrète complicité des autorités civiles et militaires belges et françaises, lui permirent d'apporter en peu de temps à ses chefs nombre de renseignements secrets, même précieux, mais qui, exact durant 3 jours, ne l'était plus le 4e. On laissa la jeune femme conduire l'affaire à sa guise. Enfin, une nuit, comme il rentrait dans sa chambre, Von Priust fut colleté, empoigné, terrassé, ligoté. 10 minutes plus tard, Von Kovler et Gertruda subissaient le même sort. On les transférait, sans plus attendre, à la prison militaire où ils étaient mis en cellule. Dans la même nuit, à Paris et sur plusieurs points du front, on arrêtait 16 espions, dont 5 femmes, tous allemands, et dans la semaine, une 20aine de leurs complices allaient les rejoindre sous les verrous. Selon la promesse que l'on avait faite à Elsa, on ne passa aucun des coupables par les armes. Von Priust et Von Kovler furent internés dans une ville de l'Afrique du Nord et durant plus de 6 mois, dans l'un des secteurs les plus importants du front français, les services d'espionnage et de contre-espionnage de l'Aigle Noir furent complètement désorganisés. Elsa, en ces quelques semaines, avait si parfaitement compris son rôle qu'elle avait conquis la confiance absolue de Von Priust, encore que l'homme fût méfiant au diable et que la partie à jouer fût dangereuse. Elle avait pu repérer avec soin la demeure de 2 des correspondants, un Havrais et un Parisien, de Von Priust. Elle savait que Gertruda, sous son bonnet de servante, avait une mémoire merveilleusement organisée, beaucoup d'intelligence et peu de courage. Les 2 correspondants filés et la servante intimidée livrèrent leurs complices et l'ont pu, à temps, faire disparaître Mercatori et Beaumont. Quant à Von Priust, très chevaleresque, il demanda qu'Anna von Grantors ne fût pas inquiétée. Jurant qu'elle n'avait jusqu'alors commis aucun acte d'espionnage contre la France, et prenant sur lui seul toute la responsabilité de ses faits et gestes. Est-il besoin de dire qu'on accéda de grand cœur à sa prière? Ainsi s'achève, au service de l'Aigle Noir, une aventure d'Elsa von Legals par Gaston Charles Richard.